Mwen sonye gran buveur, toujou gen pasyon pou bel fam. Kote apè kou le bweson, fwa gen de to a bel fam prezan. Le chaleur bweson monte, franse anglè tout lang mele. Yo pa chante, yo kon chante, yo pa orate, yo fè diskou. Son yè grand buveur, toujou gen pasyon pou bel fam. Kote apè kou le bweson, fwa gen de to a bel fam prezan. Le chaleur bweson monte, franse anglè tout lang mele. Yo pa chante, yo kon chante, yo pa orate, yo fè diskou. depuis qu'il y a musique, qu'il y a femme, qu'il y a plaisir. Depuis qu'il y a boisson, qu'il y a femme, qu'il y a plaisir. Depuis qu'il y a musique, qu'il y a femme, qu'il y a plaisir. Côté qui y a boisson, qu'il y a femme, qu'il y a plaisir. Vigouen sous parage, si vous avez un moyen, si vous pas non est libre, ou pas pour non libre. Depuis qu'il y a musique, qu'il y a femme, qu'il y a plaisir. Depuis qu'il y a boisson, qu'il y a femme,